size for the girl them. T'es à la recherche de l'amour, le vrai celui qui fait frissonner. Des mecs te font la cour, toi tu leur rionnes. Depuis un bout de temps, t'es célibataire. T'as peur de prendre cher, de revoir ton petit cœur à terre. Hey, vas-tu me croire si je te dis que je suis pas comme les autres, bébé? Non, je m'y attendais. Vas-tu me laisser l'occasion de te faire voir, bébé? Tu t'es trompé. Fais-moi confiance, tu verras, ce sera fini. Peux-tu m'accorder juste une danse, histoire de te prouver que ton avis peut changer. Viens te coller à moi et fais-le lentement, oui. Lentement, oui. Lentement. Sois sûr qu'avec moi ça va durer longtemps, oui. Longtemps, oui. Longtemps. Ton cœur est fait de pierre d'après ce qu'on m'a dit. Dis-moi ce qu'il faut faire pour changer ton avis. Ton cœur est fait de pierre d'après ce qu'on m'a dit. Dis-moi ce qu'il faut faire pour changer ton avis. Je ne serai pas loin de toi désormais. Ton sourire c'est me désarmer. Un jour je vais fauter, j'en suis désolé. Ça arrive, cette histoire qu'on va entamer pourrait durer des années. Tout dépend de ton cœur, ouais. Ton bon vouloir, ouais. Laisse-moi t'éclairer, t'emmener loin du noir. Fais-moi confiance, tu verras, ce sera fini. Peux-tu m'accorder juste une danse, histoire de te prouver que ton avis peut changer. Viens te coller à moi et fais-le lentement, oui. Lentement, oui. Lentement. Sois sûr qu'avec moi ça va durer longtemps, oui. Longtemps, oui. Longtemps. Ton cœur est fait de pierre d'après ce qu'on m'a dit. Dis-moi ce qu'il faut faire pour changer ton avis. Ton cœur est fait de pierre d'après ce qu'on m'a dit. Dis-moi ce qu'il faut faire pour changer ton avis. Fais-moi confiance, tu verras, ce sera fini. Peux-tu m'accorder juste une danse, histoire de te prouver que ton avis peut changer.